Bienvenue sur l'Instant Groove, c'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui j'accueille Vanille, bonjour Vanille, bonjour Lucie et surtout bonne année à tous chers auditeurs, vous êtes sur Radio Fadjet. Salut Valentin, tu vas bien ? Salut ! Ouais ça va super, merci de m'inviter, je suis très content d'être avec vous. Lucie, comment tu vas? Bonjour, eh ben, ça va très bien aussi. Je suis très contente d'être avec vous pour cette première de l'année. Donc, Eh ben, Valentin, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Écoute, je vous ai préparé à vous et aux auditeurs de Fadjet une heure d'une sorte de set synthwave, synthpop. On va replonger un peu dans les années 80. En tout cas, c'est les influences que j'essaye d'avoir. Eh ben, on est parti pour une heure de set avec Vanille. Thank you. chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove et vous venez d'écouter Vanille, mais aussi The Midnight Los Angeles. Ah, c'était la question surprise, je te prends au dépourvu. J'aime beaucoup, c'est important de dire aussi qu'il y a deux musiques déjà que tu as passées de ton album. C'est ça, les deux premières. Donc, qui s'appelle Le Prélude, et la deuxième, que je vous dise pas de bêtises, Tell Me. Voilà, je retiens super. Pas tout le temps le titre. Pour moi, ça m'invite au voyage, j'espère que les auditeurs voyagent aussi. Et toi, Lucie, qu'en penses-tu pour ces deux premières musiques? C'est très chill, on le disait, il y a une bonne ambiance, on est un peu immergé dedans, donc c'est très sympa. Vanille, mon cher Valentin, pourquoi et comment as-tu commencé à jouer de la musique et depuis quand tu en joues? Je pense que comme beaucoup de personnes qui font de la musique, enfant, on baigne un peu dedans. J'ai eu beaucoup d'influence de mes parents, de mon grand-père qui joue de la batterie, qui fait de la trompette. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on écoute de tout. Et à un moment, on se dit « Ah, pourquoi pas nous faire de la musique ?» Et puis on commence à jouer, et puis voilà. Tu joues un peu des instruments ou pas du tout? Pas du tout. J'ai aucune connaissance. Solfège ou... Non, j'ai pas du tout. J'ai tout appris. Autodidacte. Voilà. C'est ça. T'as commencé directement avec la musique. Ouais. Tu sais, la première recherche, c'est comment faire de la musique avec ton ordinateur. et puis, après, plus tu recherches, plus ça s'approfondit, plus ça devient précis. Et voilà. Ok, parfait. Moi, j'ai une petite question pour Nathan, parce que c'est souvent lui qui déniche les artistes qu'on entend dans l'Instant Groove. Et Nathan, comment tu repères les personnes qu'on... Alors, l'histoire est un peu drôle avec Valentin, c'est qu'on s'est retrouvés ici à Radio Fadjet pour l'apéro, mais quel apéro, je ne sais plus. Je crois que c'était pour la réunion de rentrée de Fadjet. Voilà, réunion de rentrée en septembre, pardon. C'est un peu mieux qu'apéro, j'ai l'impression. Et Valentin m'a expliqué qu'en fait, il faisait de la musique et ce qui était impressionnant, c'est que la semaine suivante ou les deux semaines après, on a joué ensemble au Meltdown à Nancy dans un bar. Ouais, c'était trop bien. Et donc Valentin a plusieurs facettes. Il y a Vanille, mais aussi Naïta, c'est qui ça. Pourra nous en parler un peu après. J'ai peut-être une petite dernière question, ou Lucie. Vas-y. Allez. C'est quoi tes influences musicales majeures pour Vanille? Comme tu l'as fait dans l'introduction, il y a les Daft Punk, malgré que ça sonne pas Daft Punk. Je pense à Kavinsky, Disclosure, The Midnight, que j'adore. C'est très marrant parce que je suis pas spécialement influencé par le genre de musique que je compose. Mais The Weeknd, qui m'a beaucoup influencé, qui dernièrement a sorti beaucoup d'années, qui sonnait qui sonnait très années 80. Mm-hmm. Je m'inspire vraiment de tout ce que j'aime. Et ben Valentin, alias Vanille, nous repartons dans ton univers. J'ai l'impression d'avoir un peu coupé le drop, mais c'est pas grave, on dira rien. Non. Tu nous disais donc que c'était Justice, cette musique, Vanille. C'est la moitié de Justice, Gaspard Auger, c'est Force Majeure. C'est vrai qu'on a entendu un peu des sonorités de Kavinsky, j'avais l'impression vraiment de les entendre. J'ai une petite question, Vanille, pourquoi ce nom de scène? Moi, mon avis, je donne tout de suite ou pas? Ouais, vas-y. Je pense à vinyle et peut-être que c'est ça. Non, mais complètement. Je cherchais un nom qui se rapproche de Valentin et aussi d'un truc cool. Et je trouve que le vinyle, c'est un bel objet. Et voilà, vinyle, ça sonnait bien. Je suis le seul au monde, donc voilà, trop bien. Impeccable. La petite anecdote des vacances de Noël de Nathan. J'ai mon grand-père qui s'est fait voler 3 phonographes de 1840 et je viens de l'apprendre pendant les vacances. Oh merde. Fin de l'anecdote. Et on rebondit sur une autre. Allez. Est-ce que Valentin, tu as une anecdote justement à nous raconter sur un de tes DJ sets, bonne ou mauvaise? Alors, sur ta production, ouais, aussi. J'ai pas trop tourné avec ma musique sur Vanille. Qu'est-ce que je pourrais dire? La grosse anecdote, c'est que en fait, je fais de la musique depuis mes 15 ans. Et il a fallu que le confinement arrive pour me dire, bah, en fait, faudrait que je sorte ma musique. donc voilà, c'était... Le confinement a été un moment magnifique pour moi. Ah, trop bien. Et est-ce que tu as sorti des morceaux, parce que tu dis 15 ans, donc est-ce que tu as ressorti là des morceaux que tu avais déjà créés au préalable et que tu as remasterisé ou... Du tout. En fait, je pense que chaque artiste ou personne qui compose met toujours un long moment à savoir le style qui lui correspond. Et moi, en fait, ça a pris peut-être 10 ans avant de savoir réellement ce que je voulais faire. Et donc avant, c'était... J'ai fait de la musique, mais qui n'était peut-être pas à mon image. Et donc là, quand j'ai commencé à faire cette musique-là, ça me ressemblait et je me reconnaissais dedans, quoi. Et une petite dernière question avant de reprendre. J'aimerais savoir avec quel artiste tu rêverais de collaborer. Ah... bah, bien sûr, les Daft Punk. Non, on a dit qu'un, pas deux. Je t'avais lancé pas d'argent, je rigole, vas-y, vas-y. On va dire avec un artiste qui n'a trop rien à voir avec la musique là, mais on va dire Axwell. C'est un DJ que j'adore et que je trouve exceptionnel. Trop bien, je connais pas du tout. Axwell, c'est un DJ suédois voilà, que j'adore et qui. Voilà, que vous pouvez retrouver très facilement sur les plateformes. Sur quel style de musique un peu c'est vraiment de l'électro dance, house, tech house. Donc trop rien avec cette musique-là, mais c'est un artiste qui me fascine, ouais. Trop bien. Et un lieu idéal où t'aimerais jouer? Ah, le lieu idéal pour jouer... Bah c'est marrant, l'autre canal me semble déjà bien, je me vois pas à Bercy ou je ça sais pas. Ça peut être une plage. Ouais, une plage. En pleine forêt. Un festival la nuit avec une ambiance un peu brouillard. Tamisée. Ouais, carrément. Je vois très bien de quoi tu parles. Les chers auditeurs, nous allons repartir dans l'univers de Vanille. Merci Vanille d'être là avec nous. dance all the weekend. We dance all the weekend. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove sur Radio Fadjet, pardon, avec Vanille et Lucie, ma co-animatrice. J'ai l'impression d'avoir un cabriolet de Mustang de 1969, d'avoir devant moi un coucher de soleil et de rouler à vive allure. Voilà les impressions que j'ai quand je t'écoute, Vanille. Comment gères-tu ton stress avant de mixer ou même de produire, car là on parle de production ouais. aussi. Écoute, j'ai de la chance d'avoir fait beaucoup de théâtre pendant très très longtemps où le pic de stress était au maximum. Et en fait, ma musique, vu que c'est du plaisir, j'arrive un peu à me, on va dire, à me stabiliser. Tu vois. C'était du théâtre de texte. Ouais, au Festival d'Avignon, tout ça, donc c'était très cool, mais écoute, vu que pour l'instant je fais que des petites scènes, peut-être qu'un jour, quand il y aura beaucoup de monde, je viendrai re-répondre à cette question en te disant que j'ai une boule énorme au ventre. Mais chers auditeurs, dans un an, nous avons rendez-vous avec Vanille pour savoir. Un petit instant technique, du coup, tu joues sur quoi? C'est quoi ton matériel pour faire ta musique? Écoute, j'ai juste un ordinateur, je travaille sur FL Studio, et j'ai un petit clavier MIDI, et voilà, voilà, mes enceintes, mon casque, et roule ma poule. Ouais, c'est ça, que du kiff. Et j'ai une petite question, on parlait de voix, et du coup ça m'interpelle, où tu récupères ces voix et... Si tu ne veux pas le dire, c'est parce que c'est un secret, tu peux nous le dire. Hein. Non, écoute, il y a des voix que j'ai pris qui étaient libres de droit sur Internet, que j'ai pris pour ma musique. Et il y en a d'autres où, en fait, j'ai envoyé un message et on a collaboré ensemble. Donc, il y a 2-3 artistes dans les musiques avec qui j'ai collaboré. Et voilà, maintenant, j'essaye d'avoir vraiment des personnes derrière et qui racontent quelque chose. Génial. Et est-ce que c'est via une application comme Fiverr? Parce que je sais que exactement. C'est... Ah, ok. Exactement, Fiverr. Donc, on a pu échanger sur les paroles, sur ce qu'on voulait de la musique, et donc c'est trop bien. Et c'est un honneur, pour une fois dans l'Instant Groove, on a un compositeur aussi, on avait eu Vince, tout ça. Mais j'ai une question, qu'est-ce que ça t'apporte au moment où tu te mets dans ta création? Dans ta tête, comment tu es et qu'est-ce que ça t'apporte? Je pense que c'est juste la création, c'est un moment de bonheur pur en fait. Quand tu crées quelque chose et que ça prend forme, il y a un truc de plaisir qui est vraiment jouissif sur le coup et que je ne retrouve nulle part ailleurs, qui est vraiment très très fort. Et donc c'est vraiment un moment de bonheur qui est assez dingue, la création. C'est un moment que tu vas chercher, je sais pas, genre que t'en fais un peu tous les jours, un peu toutes les semaines, où il y a des grosses phases où tu vas pas du tout en faire et d'autres où tu vas te dire voilà, c'est bon, je suis super inspiré, j'y vais, go. Non, je pense que j'essaye au moins minimum de faire 2 fois par semaine. Après, vu que je ne vis pas de ça, tu vois, c'est un peu compliqué avec le travail. Mais j'essaye toujours au moins 2 fois par semaine, au moins le week-end, tu vois, je me mets dessus. Ouais, te laisser un temps. Et c'est ça. Et après, il y a des jours, il y a des moments où c'est tous les jours. Tous les jours et les week-ends, tout le temps. Voilà. Ok, merci. Vanille, quel est pour toi le meilleur morceau? Du coup, tu parles de jouissance. Quel est le morceau qui t'a le plus impressionné, fait plaisir, on va dire Dans ma création? Ouais, celui que tu kiffes le plus, quoi. Celui que... C'est dur, c'est tous mes petits bébés, tu vois. mais après, il y en a toujours 2-3 qui se dégagent, où tu te dis, ah putain, c'est très cool. Lequel tu vendrais aux auditeurs de Radio Fadjet, par All exemple? All Me Tonight, c'est un son que j'aime beaucoup. Dreaming, que j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est dur, c'est dur. Tell Je comprends. Me, j'aime beaucoup aussi, mais je les aime tous, voilà. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Alors, chers auditeurs, il va falloir écouter tout l'album de Vanille, car sinon, vous ne pourrez pas en choisir un, mais plusieurs. Chers auditeurs, nous repartons pour Vanille. Or am I fooling myself? Is it enough to keep it going? Racing to keep this moment. Is it worth it or am I forcing it? Or am I fooling myself? Or am I fooling myself?

Chers auditeurs, je ne sais pas vous, mais je commençais un peu à sautiller. J'espère que vous sautiez dans votre voiture ou dans votre salle de bain. C'est possible aussi. On est toujours avec Vanille et Lucie, ma co-animatrice. J'ai une petite question pour Vanille, que je ne me rappelle plus, bien sûr. Je suis un grand fan de cuisine et de boissons. Avec quel mets s'écoute Vanille ? Écoute, je vais te le faire un peu comme la Mustang que tu me parlais tout à l'heure. J'ai envie de te dire avec un coca avec des bons glaçons et un hot dog. 13 années 80. À l'American. Exactement. On continue sur le parallèle du coup. Ouais. La nourriture, le cinéma, tu nous as dit que c'était le milieu dans lequel tu travaillais. Ouais. Si tu devais... si voilà, ta musique, ça devait être la bande-annonce ou le soundtrack d'un film, ce serait quoi le pitch du film? Ça se rapprocherait beaucoup du film Drive qu'on parlait tout à l'heure, je pense. Une personne un peu solo, un peu perdue dans la vie et qui rencontre peut-être l'amour et derrière une histoire de vengeance, tout ça, ça me plaît bien, je me vois bien là-dedans. Tout ce qu'il faut pour faire un bon film. J'ai une question, donc je sais peut-être la réponse, mais c'est quelle est ta prochaine soirée et où, si tu en as une, par rapport à Vanille ? Écoute, pour Vanille, pour l'instant, j'ai pas réellement de date arrêtée. Là, pour être franc avec toi, le projet, c'est de sortir un nouvel EP. De sortir un EP ou un album à la fin de l'année, et je vais essayer de préparer un live autre qu'avec les platines. Ok, incroyable. C'est en cours. Trop bien. Et est-ce que tu pourrais teaser pour les auditeurs ta deuxième facette qui est Naïta? Juste deux petits mots. Ouais, carrément. Bah, Naïta, c'est le côté un peu plus fou, un peu plus énergique, cocaïné de ma personnalité, où c'est plus tech house, house, bass house. Voilà, ça c'est un. C'est, normalement, il y a des musiques qui vont arriver de la courant 2024 et on va dire que ça tape un peu plus et c'est un peu plus dansant quoi. Et il viendra dans une émission pour faire ce côté Naïta. Avec grand plaisir. Est-ce que t'as un petit plaisir coupable en musique? Un truc où je me cache pour écouter. Tu vas l'écouter dans les toilettes secrètement. Qu'est-ce que j'aime bien, plaisir coupable? Pas... Je suis désolé. Ou très assumé. Hein, je suis désolé là, comme ça, j'ai pas de. Non, j'ai pas. J'aurais aimé te dire Bézu, la queue le leu, ou un truc comme ça, mais pas du tout. Non, là, comme ça, j'ai pas, je suis désolé. Moi, c'est qu'ils sont pas coupables. Et ben, c'est parti pour la queue le leu. Est-ce que tu as des personnes qui te suivent, des fans? Est-ce que tu as remarqué que tes sons étaient écoutés, par exemple, parce que je ne sais pas si tu as les stats, mais dans d'autres pays ou des pays où ça tourne plus, par exemple? Ouais, carrément, il y a un truc très marrant sur Spotify. Tu sais, à chaque fin d'année, tu as un peu le récapitulatif. Je sais que Deezer le fait aussi. Et du coup, j'ai un peu les statistiques. Beaucoup écoutent en Thaïlande, au Canada. Incroyable. Dire que j'ai des fans, je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais écoute, c'est toujours trop plaisant de savoir que des gens t'écoutent dans le monde et c'est génial, c'est absolument génial. Tu as peut-être des proches qui te suivent et qui t'écoutent et qui parlent de ton travail. Oui, bien sûr, c'est aussi eux qui donnent la motivation à continuer, à dire vas-y, continue, et je leur en remercie, et j'embrasse toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui me donnent de la force. J'allais y venir, est-ce que tu as un petit mot à leur dire? C'est le moment tendresse un peu. un grand merci à toutes les personnes, même qui mettent des commentaires sur YouTube ou des trucs qui me reviennent et tout. C'est toujours... c'est vrai que même un like, des fois, en fait, c'est beaucoup, quoi. Ça donne plein de force. Parles de YouTube. Ouais. Est-ce que tu as fait déjà un clip ou est-ce que tu aimerais en faire un? J'aimerais. Comme on parlait tout à l'heure, on se disait que la musique était très imagée. Moi, je l'imagine beaucoup. Et donc, écoute, il y a plein d'idées. Je vais croiser les doigts pour bientôt. Pour conduire la Mustang 69, je suis présent. Je vais essayer d'avoir la voiture. Est-ce que tu as un petit mantra, quelque chose que tu voudrais partager avec nous pour finir? C'est une tradition qu'on a lancée dans l'instant, en gros. Alors, est-ce que tu peux... Mantra, tu vois ça comment? Une petite phrase, une petite citation que tu aimes bien, qui t'inspire, que tu as envie de nous partager. Et que tu partages aux auditeurs, quelque chose par exemple qui motive. Ouais. Alors écoute, il y a un truc très basique que toutes les artistes disent ou toutes les personnes qui créent, c'est vraiment ne pas se fixer de limites et toujours aller plus haut. Voilà, vous faites déjà un truc, et ben il y a toujours un truc après et toujours faire ce qu'on aime, surtout faire ce qu'on aime, et il y a toujours des gens sur la planète qui seront réceptifs à ce qu'on fait, que ce soit de la peinture, de la musique, n'importe quoi. Et c'est le moment de l'instant com où on peut retrouver tout ton travail, pardon. Écoutez, j'ai un compte Instagram où je ne suis pas très actif, mais venez, vous serez quand même au courant des nouvelles sorties, tout ça, et suivez-moi sur les plateformes. Voilà, je suis sur toutes les plateformes. Vanille, exactement. Vinyle avec un A. Exactement. Merci Valentin, merci Vanille, merci Lucie pour cette émission. Merci à vous. Oui, merci à vous de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir. Et on finit sur Vanille.